Chapitre 14. Je me hâte d'arriver à la conclusion de ma déplorable histoire. C'est peu après l'époque où elle se trouve conduite à présent que j'ai commencé à l'écrire. C'était encore une ressource qui m'avait été suggérée par le désir d'échapper par tous les moyens possibles au sentiment de mes malheurs. La précipitation avec laquelle je quittais le pays de Galles, où j'eus bientôt la confirmation de mes craintes du côté de M. Falkland, j'avais laissé tous les matériaux de mes recherches étymologiques et de ce que j'avais déjà composé sur cette matière. Je n'ai jamais pu me décider depuis à reprendre cet ouvrage. On a difficilement le courage de recommencer une tâche laborieuse et on est peu disposé à faire des efforts pour se remettre dans une position qu'on a déjà connue. Je ne savais pas d'ailleurs si je ne serais pas encore bientôt obligé de quitter inopinément toute autre retraite que je viendrais à choisir. Et pour un état aussi incertain et aussi précaire, l'étude que j'avais commencée entraînait un appareil trop volumineux et trop embarrassant. Un tel dérangement ne faisait qu'ajouter à mes contrariétés et ne servait qu'à me rendre plus douloureux et plus sensible les traits de l'ennemi continuellement attachés à mes pas. Ajoutez à cela qu'un travail abstrait n'était plus un remède convenable à mon état et s'accordait trop mal avec le tumulte et l'agitation de mes pensées. C'est ainsi que chaque objet de consolation m'était arraché l'un après l'autre, et que je voyais successivement disparaître tout ce qui était bonheur, ou du moins m'en offrait l'image. La composition de ces mémoires a été pour moi, pendant plusieurs années, un moyen de distraction. J'ai trouvé pendant quelque temps une triste consolation à les écrire. J'aimais mieux faire revenir mes pensées sur cette longue suite de calamités que j'avais eu à essuyer que de les porter en avant, comme je n'y avais été que trop accoutumé autrefois sur les malheurs que l'avenir pouvait me réserver. Il me semblait que mon histoire, déduite avec candeur et fidélité, porterait avec elle une empreinte de vérité si frappante que peu d'hommes pourraient y résister. Et au moins, qu'en laissant après moi ces tristes mémoires, quand je cesserai d'exister, la supériorité aimerait à me rendre justice et que les hommes, instruits par mon exemple, du déluge de mots que la constitution actuelle de la société entraîne sur leur tête, tournerait enfin leur attention vers la source d'où découlent habituellement ces eaux de douleur et d'amertume. Mais ces motifs ont perdu de leur influence pour moi. J'ai fini par contracter un dégoût de la vie et de tout ce qui l'accompagne. Ce plaisir que je goûtais à écrire est devenu maintenant un fardeau. Je resserrerai dans peu d'espace ce qui me reste à dire. Peu de temps après l'époque où je suis resté, je découvris la cause précise de ce changement mystérieux qui s'était fait à mon égard, dans ma demeure du pays de Galles, et je trouvai dans cette cause le présage de ce que l'avenir pouvait me réserver ailleurs. M. Falkland avait pris à sa solde l'infernal Gaines, l'homme le plus propre, sous tous les rapports, au service abominable qu'on attendait de lui. D'abord, par son caractère naturellement cruel et impitoyable, ensuite, par les habitudes de son esprit rempli à la fois d'audace et d'artifice, et enfin, par la haine envenimée et l'implacable vengeance qu'il m'avait jurée. L'emploi pour lequel cet homme était payé consistait à me suivre de place en place, à l'effet d'y détruire ma réputation et m'ôter la chance d'y acquérir par une longue résidence, un caractère d'intégrité capable de donner quelque poids à mes dénonciations si je tentais par la suite de les renouveler. Il était venu dans le lieu de ma retraite, avec les maçons et ouvriers dont j'ai parlé, et tout en prenant les plus grandes précautions pour n'être pas aperçu de moi, il avait eu soin de répandre de tous côtés ce qui était le plus propre à ses vues, c'est-à-dire à me faire passer aux yeux de mes voisins pour le plus pervers et le plus infâme de tous les hommes. Ce fut lui, sans aucun doute, qui avait fait circuler ce détestable papier que j'avais trouvé avant mon départ dans la maison où je logeais. Dans tout ceci, M. Falkland, raisonnant toujours d'après ses principes, ne faisait que prendre des précautions nécessaires. Il y avait dans son caractère quelque chose qui lui faisait envisager avec horreur l'idée de mettre, par quelques moyens violents, fin à mon existence, en même temps que malheureusement pour moi il ne se trouvait jamais suffisamment à l'abri des récriminations que je pouvais faire contre lui tant qu'il me savait en vie. Quant à son affreux traité avec Gaines, il était bien loin de vouloir qu'un tel fait fût généralement connu, mais aussi la possibilité qu'il le fût ne l'effrayait pas. il n'était que trop public, et plus même qu'il ne l'eût désiré, que j'avais avancé contre lui les charges les plus odieuses. S'il m'avait en horreur, comme l'ennemi déclaré de sa réputation, je n'étais pas vu d'un autre œil par les personnes qui avaient eu occasion de se mettre au fait de toute notre histoire. Quand elle serait venue apprendre toutes les peines qu'il se donnait pour que ma mauvaise réputation me suivît partout, elles auraient regardé ces démarches de sa part comme des actes de justice et d'impartialité, peut-être même comme l'effet d'une généreuse sollicitude pour le bien public et du désir d'empêcher que les autres ne fussent, ainsi que lui, victimes de mon hypocrisie. Quel expédient emploierais-je donc pour échapper à cette barbare vigilance qui s'attachait à mes pas, quelque part qu'ils se portassent pour me priver partout des bienfaits et des consolations de la société de mes semblables? Il y en avait un contre lequel mon aversion était fortement déclarée. C'était le déguisement de ma personne. J'avais essuyé de si dures mortifications. Il avait fallu me soumettre à des contraintes si pénibles. Quand j'avais fait usage de cette ressource, elle s'associait dans mon esprit à des sensations si douloureuses que j'étais absolument convaincu d'une chose, c'est que la vie ne valait pas d'être achetée à si haut prix. Mais, quoique mon parti fût irrévocablement pris sur ce point, il y avait un autre article qui ne me paraissait pas aussi important et sur lequel j'étais décidé à passer condamnation dans les circonstances où je me trouvais. L'expédient peu noble de se donner un faux nom était une mesure à laquelle je me soumettais volontiers si elle pouvait assurer ma tranquillité. Mais le changement de nom, les émigrations brusques et furtives d'un lieu à un autre, la distance et l'obscurité des retraites, toutes ces précautions étaient insuffisantes pour éluder la sagacité de l'exécrable Gaines, ou pour fatiguer l'inexorable constance avec laquelle M. Falkland excitait ce génie infernal à ma poursuite. Quelque part que je me retirasse, il ne se passait pas longtemps sans que j'eusse occasion de voir sur mes traces cet infatigable démon. Je n'ai pas de mots pour rendre les sensations que produisit en moi cette persécution opiniâtre. Il était pour moi ce qu'on a dit de l'œil éternel et redoutable qui suit partout le coupable pécheur et dont l'éclair réveille en lui l'aiguillon du remords à chaque fois que la nature épuisée semble vouloir assoupir un moment le tourment de sa conscience. Le sommeil avait fui de mes yeux. Il n'y avait plus de repos pour moi, plus aucun genre de soulagement. Jamais je ne pouvais compter sur un instant de sécurité. Jamais il ne m'était donné de reposer ma tête une seule minute dans le sein de l'oubli. Il n'y avait pas de muraille qui pût me dérober à sa surveillance, pas un endroit où son art diabolique ne trouva le moyen de me créer de nouvelles peines. Le moment où je ne le voyais pas sur mes traces était empoisonné par l'affreuse certitude de sentir sa présence l'instant d'après. Dans ma première retraite, j'avais été bercé pendant quelques semaines dans une trompeuse sécurité, mais je n'étais plus même assez heureux pour en saisir seulement l'ombre. J'ai passé quelques années dans cette affreuse vicissitude de tourments et d'amertume. Quelquefois, la situation de mon esprit approchait de la démence. Je suivis à chaque fois la conduite que j'avais d'abord adoptée. Je me déterminai à ne jamais entrer dans une discussion ouverte avec Gaines. À quoi m'aurait-il servi de chercher à établir ma défense? L'exposé que j'avais à faire était incomplet, et si cette histoire, quoique mutilée et imparfaite, avait néanmoins paru satisfaisante à quelques personnes prévenues en ma faveur par un long commerce, je ne pouvais pas espérer qu'elle eût le même succès avec des étrangers. D'ailleurs, cette justification m'avait suffi tant que j'avais pu me soustraire à la vigilance de mes persécuteurs, mais en serait-il de même à présent que je n'avais plus aucun moyen de les éviter, et que c'était en armant à la fois tout un pays contre moi qu'ils me faisaient la guerre. Il est impossible de se faire une idée de tous les maux qu'entraînait après soi un pareil genre d'existence. Une aggravation continuelle des privations et des dégoûts de l'indigence en était la conséquence inévitable. Dans chacune de ces occasions, ce fut par un abandon universel que je fus instruit de mon sort. Alors, tout retard n'eût servi qu'à augmenter le mal, et quand je fuyais, c'était la honte et la misère qui s'attachaient à mes pas. Mais je bravais encore tous ces maux. Tantôt l'indignation, tantôt une invincible persévérance me tinrent lieu de soutien, lorsque l'humanité laissée à elle seule eût probablement succombé. On a déjà pu voir que je n'étais pas d'un caractère à endurer l'infortune, sans mettre en usage tous les moyens que je pouvais imaginer pour la tromper et la désarmer, en repassant dans mon esprit, comme j'en avais souvent l'habitude, les différents projets qui pouvaient améliorer mon sort. Je vins une fois à me faire cette question, mais pourquoi me laisserais-je harceler toujours par ce Gainas? N'est-ce pas un homme opposé à un homme? Et pourquoi ne viendrais-je pas à bout, en exerçant toutes mes facultés, de prendre l'ascendant sur lui? Aujourd'hui, il semble être le persécuteur et moi le persécuté. Cette différence n'est-elle pas tout entière dans mon imagination? Ne puis-je pas employer toute mon industrie à le vexer lui-même, à lui susciter mille difficultés et à rire des travaux sans fin auxquels je vais le condamner à mon tour? Hélas, trompeuse et vaine spéculation, ce n'est pas dans la persécution en elle-même, c'est dans la catastrophe qui en est le terme que consiste la différence entre le tyran et sa victime. Sous le rapport de la fatigue corporelle, le chasseur est peut-être de niveau avec le misérable animal qu'il poursuit, mais se pouvait-il faire que l'un ou l'autre de nous oublia qu'à chaque poste où il me relançait, Gainas satisfaisait son infernale malice en semant sur mon compte les bruits les plus atroces et en excitant contre moi l'exécration de toutes les âmes honnêtes, tandis que moi, mon rôle était de voir s'anéantir autant de fois mon repos, mon honneur et mes moyens de subsistance. Y avait-il quelque raffinement de ma raison qui pût convertir en une lutte d'esprit et d'adresse cet affreux enchaînement d'infortunes? Non, je n'avais pas une philosophie capable d'un effort aussi extraordinaire. Quand même, dans d'autres circonstances, j'aurais pu m'abandonner à une illusion aussi étrange. N'étais-je pas enchaîné ici par la nécessité de pourvoir à ma subsistance? Et dans les formes actuelles des sociétés humaines, comment mes efforts auraient-ils pu se dégager des fers de cette dure nécessité? Dans l'un de ces changements de demeure auxquels ma malheureuse destinée m'obligeait sans cesse, il m'arriva de rencontrer sur une route qu'il me fallait traverser mon premier, mon meilleur ami, le vénérable Collins. Par une de ces circonstances qui ont contribué à accumuler tant d'infortunes sur ma tête, cet honnête homme avait quitté l'Angleterre quelques semaines seulement avant ce fatal revers qui a été l'époque de tous mes malheurs. Outre les grands revenus qu'il possédait dans son pays natal, M. Falkland avait une plantation très considérable aux Indes occidentales. Cette propriété avait été fort mal régie par la personne qui en avait la direction sur les lieux, et après grand nombre de promesses et de défaites de sa part, qui servirent bien à amuser pendant quelque temps la patience de M. Falkland, mais qui finirent par ne rien produire, il fut résolu définitivement que M. Collins irait en personne pour remédier aux abus de cette mauvaise administration. Il avait de plus été question qu'il resterait plusieurs années dans l'habitation si même il ne s'y établissait pas tout à fait. Depuis cette époque jusqu'à présent, je n'avais pas eu la moindre nouvelle de lui. J'avais toujours regardé comme une de mes plus cruelles disgrâces son absence dans un moment aussi critique. M. Collins avait été une des premières personnes, à compter même de mon enfance, qui m'eût distingué comme donnant des espérances peu ordinaires, et en conséquence, il avait contribué plus que tout autre à encourager mes dispositions et à m'aider dans mes études. Il avait été l'administrateur de la petite fortune que m'avait laissée mon père, et c'était en considération de l'attachement mutuel qui existait entre nous que celui-ci l'avait chargé en mourant de cette mission de confiance. Enfin, sous tous les rapports, c'était, de toutes les créatures humaines, celle à la protection de laquelle je semblais avoir le plus de droits. J'avais toujours pensé que s'il eût été présent au moment de la fatale crise, il aurait été convaincu de mon innocence et qu'avec cette conviction, il m'aurait si puissamment aidé de toute l'énergie de son âme et de toute l'autorité de l'estime et du respect dont il jouissait, qu'il m'aurait épargné la plus grande partie des maux qui avaient fondu sur moi. Aussi, rien ne pouvait-il me causer de plaisir plus vif et plus pur que cette rencontre. Nous fûmes quelque temps avant de nous reconnaître l'un l'autre. M. Collins, depuis que je ne l'avais vu, était au moins vieilli de 10 ans, sans compter qu'il était pour le moment dans un état de mauvaise santé qui le faisait paraître plus pâle et plus maigre. Ces mauvais effets avaient été produits par le changement de climat dont l'influence se fait sentir encore plus particulièrement sur les personnes déjà avancées en âge. Ajoutez à cela qu'en ce moment je le croyais aux Indes occidentales. Vraisemblablement, depuis l'intervalle de notre séparation, je n'étais pas moins changé que lui. Je fus le premier à le reconnaître. Il était à cheval et moi à pied. Je l'avais laissé passer devant moi. L'instant d'après, je me le remis parfaitement. Je courus, j'appelais avec force et impétuosité. Je n'étais pas le maître de contenir la véhémence de mon émotion. L'ardeur qui m'emportait avait altéré mon son de voix habituel. Sans cela, M. Collins l'aurait infailliblement reconnu. Il avait déjà la vue presque éteinte. Il arrêta son cheval jusqu'à ce que je puisse arriver à lui, puis me dit « Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. »« Mon père !» m'écriai-je en embrassant avec transport un de ses genoux. « C'est votre fils, c'est votre pauvre Caleb, qui a reçu de vous tant de marques de tendresse et de bonté. » En entendant prononcer mon nom, mon vieil ami ne put se défendre d'une émotion qui se manifesta par une sorte de frémissement. Toutefois, ce mouvement fut un peu modéré par l'âge et par cette philosophie calme et bienfaisante qui formait un des traits les plus remarquables de son caractère. « Je ne m'attendais pas à vous voir, » répliqua-t-il. « Je ne le désirais pas. »« Mon ami, mon meilleur, mon premier ami, » répondis-je avec un ton où l'impatience et le respect se confondaient ensemble, « ne me parlez pas ainsi. » Dans le monde entier, je n'ai pas un autre ami que vous, que je trouve au moins de l'intérêt dans votre cœur, que j'y trouve un peu de la tendre affection que je vous porte. Ah, si vous saviez combien j'ai soupiré après vous, pendant tout le temps de votre absence, vous ne voudriez pas me refuser ainsi de goûter sans amertume le bonheur de vous revoir. Eh, si vous êtes réduit à cette déplorable situation, me dit-il d'un ton sévère, quelle en est la cause? N'est-ce pas une conséquence inévitable de vos actions? Des actions des autres et non pas des miennes. Ah, votre cœur doit vous dire que je suis innocent. Non. J'ai toujours pensé, en observant de bonne heure vos dispositions, que vous seriez un homme extraordinaire. Mais malheureusement, les hommes extraordinaires ne sont pas toujours des hommes vertueux. Il semble hélas que ce soit une loterie, où les plus petites circonstances décident de l'événement. Voulez-vous m'entendre? Je suis sûr, comme de ma propre existence, que j'ai de quoi vous convaincre de la pureté de ma conduite. Certainement, si vous l'exigez, je vous entendrai. Mais ce ne peut pas être pour l'instant. J'aurais désiré de grand cœur m'épargner tout à fait cette pénible tâche. Les impressions violentes sont peu faites pour mon âge, et puis je n'ai pas la même impatience que vous pour désirer le résultat de cette explication. Que voudriez-vous me persuader ? Que M. Falkland est un imposteur et un assassin. Je ne répondis rien. Mon silence était lui-même une réponse affirmative à cette question. Et quel avantage résulterait-il d'une telle conviction? Je vous ai connu pour un enfant d'une haute espérance, dont les inclinations pouvaient tourner d'un côté ou de l'autre, suivant les circonstances. J'ai connu M. Falkland dans la maturité de son âge, et je l'ai toujours admiré comme un modèle de bienfaisance et de générosité. Si vous alliez changer toutes mes idées et me faire voir qu'il n'y a pas de signe auquel on puisse distinguer, sans se méprendre, le vice de la vertu, quel bien m'en reviendrait-il? Il me faudrait donc renoncer à toute espèce de consolation intérieure, à toute espèce de relation au dehors, et à quelle fin? Quel but vous proposez-vous? Est-ce de faire périr M. Falkland par la main d'un bourreau? Non, non! Je ne voudrais pas lui ôter un cheveu de la tête! À moins de m'y voir forcé par le soin de ma propre défense. Mais sûrement, vous voulez me rendre justice. Et quelle justice? Celle de publier votre innocence? Vous savez quelle en serait la conséquence infaillible. Mais je ne crois pas que vous réussissiez à me persuader que vous êtes innocent. Quand même, vous viendriez à bout d'embarrasser mon esprit. Vous ne parviendrez jamais à l'éclairer. Telle est la malheureuse destinée des choses humaines, que lorsque l'innocence se trouve une fois enveloppée dans des soupçons, elle ne peut guère espérer de porter sa justification jusqu'à l'évidence, tandis que le crime peut souvent faire naître en nous une répugnance invincible à le juger comme tel. C'est donc pour acheter une si triste incertitude qu'il faut que j'abandonne tout ce qui me reste encore de consolation dans la vie. Je crois M. Falkland un homme vertueux, mais je sais qu'il est imbu de préjugés. Il ne me pardonnerait même pas de vous avoir parlé dans cette rencontre accidentelle, si jamais il pouvait en avoir connaissance. « Ah ! » m'écriai-je avec impatience, « ne m'opposez pas les conséquences qui peuvent en résulter. J'ai droit à vos bontés, j'ai droit à vos secours. Je ne vous le refuse pas. Je ne puis vous les refuser jusqu'à un certain point, et il n'est pas à croire qu'un examen, quel qu'il soit, me mette dans le cas de vous en accorder davantage. Vous connaissez ma façon de penser. Je vous regarde comme un homme vicieux, mais je ne pense pas que l'on doive nourrir contre un homme vicieux de l'indignation et du mépris. Je vous considère comme une machine. Je crains que vous ne soyez fabriqué de manière à n'être pas grandement utile à vos semblables. Mais vous ne vous êtes pas fait vous-même. Vous n'êtes que ce que des circonstances irrésistibles vous ont forcé d'être. Je suis fâché de vous savoir des qualités nuisibles, mais je ne garde pour cela aucune haine contre vous. Au contraire, je vous dois de la bienveillance. En vous considérant sous ce point de vue, je suis et je serai toujours prêt à faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour votre bien réel, et si j'en avais les moyens, je vous aiderais du meilleur de mon cœur à reconnaître les erreurs qui vous ont égaré et à les guérir radicalement. Vous avez trompé mes espérances, mais je n'ai pas envie de vous faire des reproches. Je sens que j'ai plus besoin de me livrer à ma compassion pour vous que d'aggraver encore vos malheurs par mes réprimandes. » Que pouvais-je répondre ? Aimable, excellent homme, jamais mon âme n'a été plus douloureusement déchirée que dans ce moment. Plus il excitait mon admiration, plus mon cœur me commandait impérieusement de lui arracher son amitié, quelque prix qu'il pût m'en coûter. J'étais persuadé que l'équité rigoureuse exigeait de lui qu'il mît de côté toute considération personnelle, qu'il se livrât courageusement à la recherche de la vérité, et que si sa conscience éclairée décidait en ma faveur, il abandonna tout pour faire cause commune avec moi dans l'état d'abandon et de misère où j'étais, et fit tous ses efforts pour balancer à lui seul l'injustice du reste des hommes. Mais si un dévouement aussi absolu faisait hésiter son courage affaibli maintenant par les années, était-ce à moi à l'y entraîner malgré lui? Hélas, ni lui ni moi, nous ne prévoyions la terrible catastrophe qui allait suivre de si près. Sans cela, je suis bien convaincu qu'aucun égard pour sa tranquillité ne l'aurait empêché de se rendre à mes désirs. D'un autre côté, pouvais-je me flatter de prédire à quel mot il demeurait exposé en embrassant ma cause? Son intégrité ne pouvait-elle pas succomber et être opprimée comme l'avait été la mienne? La faiblesse de ses cheveux blancs ne donnait-elle pas un avantage de plus à mon fatal adversaire? M. Falkland ne pouvait-il pas le rendre aussi misérable, le mettre aussi bas qu'il m'avait mis moi-même? Après tout, n'était-ce pas de ma part un désir coupable de vouloir envelopper un autre dans ma malheureuse cause? Et s'il y avait des moyens de me défendre, n'avais-je donc pas assez de mon énergie, de ma prudence et de la force d'une conscience pure pour me défendre moi-même? Ces considérations me déterminèrent à céder à ces vues. Je me soumis à endurer la mauvaise opinion de l'homme du monde, dont je désirais le plus ardemment l'estime, plutôt que de courir le risque de l'entraîner dans ma misère. Je me soumis à abandonner ce qui était pour moi dans ce moment la dernière consolation possible de ma malheureuse vie, une consolation dont je ne pouvais détacher mes pensées à l'instant même où je consentais à la perdre. La candeur et l'ingénuité avec lesquelles mes sentiments sortaient de mon âme affectèrent profondément M. Collins. Une voix secrète lui disait intérieurement « Est-ce ainsi que parle l'hypocrisie ? Si cet homme est vertueux, c'est un des hommes du monde dont la vertu est le plus désintéressée. » Nous nous arrachâmes l'un à l'autre. M. Collins me promit d'avoir toujours, autant qu'il serait en lui, l'œil sur moi dans la suite de mes malheurs, et de me donner tous les secours qui seraient compatibles avec ce que la prudence lui prescrirait. Ce fut ainsi que je me séparai de ce que je pourrais nommer la seconde moitié de moi-même et que je me résignai volontairement à attendre, dans cet état de mutilation et de délaissement, tous les maux que le sort pouvait me réserver. C'est là le dernier fait qui me semble pour le moment mériter d'être rapporté. Je ne doute pas que dans peu je n'ai encore occasion de reprendre la plume. Mes souffrances jusqu'ici ont été sans exemple. Et pourtant je sens au-dedans de moi la conviction intime que le sort m'en réserve encore de plus grand. Quelle cause mystérieuse peut donc m'empêcher de succomber à la terreur dont je suis frappé et me donner la force d'écrire ces mémoires ?